Ceci est un audio généré issu de l'article Orphantrain, quand l'Amérique mettait ses enfants dans des trains pour les envoyer ailleurs, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Une foire d'enfants sur un quai de gare. Imagine la scène. Un petit bourg du Midwest vers 1890. Le train s'arrête dans un nuage de fumée. Des dizaines d'enfants descendent, habillés trop proprement pour être tranquilles. On les aligne sur une scène, du plus grand au plus petit. En face, des fermiers regardent. Certains tâtent les bras, vérifient les dents, posent deux ou trois questions rapides. Ensuite, ils choisissent. Un garçon pour les champs. Une fille pour la maison. Les journaux locaux parlent parfois d'une foire d'enfants. Des historiens racontent ces scènes dans des dossiers comme celui du Social Welfare History Project. Ce n'est pas une légende. Pendant près de 75 ans, des centaines de milliers d'enfants montent dans ces orphantrains. Ils partent des grandes villes de l'Est et arrivent dans des villages où personne ne les connaît. Le Children's Aid Society parle d'au moins 120 000 enfants placés. D'autres estimations montent jusqu'à 200 000. Officiellement, le but reste noble. On veut sauver les gamins des rues de New York, éviter la prison, leur donner une nouvelle vie. Mais quand on regarde dans le détail, le tableau devient plus sombre. On voit des intérêts religieux, économiques, politiques. On croise aussi des pratiques qui ressemblent à un marché humain bien organisé. Les architectes du système, Brass, œuvres caritatives et grands donateurs. Au cœur de l'histoire, on trouve un nom, Charles Loring Race. C'est un pasteur protestant new-yorkais au milieu du VIe siècle. Il se balade dans les quartiers pauvres de Manhattan et découvre les street arabes, ces enfants qui dorment dans les rues, volent pour survivre et vivent dans les égouts. Ses écrits décrivent ces scènes avec une indignation froide, que cite le National Orphantrain Complex. Pour lui, ces enfants ne menacent pas seulement leur propre avenir. Ils menacent l'ordre social, la morale et même l'image de l'Amérique. Il décide donc de créer la Children's Aid Society. L'objectif officiel, retirer les enfants des rues, les éloigner des prisons et de la prostitution, et les placer dans des familles morales à la campagne. La Children's Aid raconte cette mission sur son site, avec les archives de ses premiers rapports annuels. Race ne travaille pas seul. Il s'appuie sur un réseau d'églises protestantes, de philanthropes et de journaux. Des grandes familles new-yorkaises donnent de l'argent. Certains journaux publient ses tribunes et soutiennent l'idée d'envoyer des enfants vers l'Ouest. La même logique se retrouve au New York Foundling Hospital, géré par des religieuses catholiques, qui lancent ensuite ses propres trains pour placer des enfants catholiques dans des foyers catholiques. Le site du New York Historical Society résume bien ses débuts. Les financeurs restent donc assez clairs. On voit des élites religieuses, des notables de la côte Est, des dons privés, parfois des soutiens locaux. Le projet ne naît pas d'un vote démocratique, ni d'un débat public national. Il sort plutôt des salons de New York, des réunions d'églises et des bureaux de quelques réformateurs convaincus de savoir ce qui est bon pour tout le monde. Comment fonctionnaient vraiment les orphantrains ? Concrètement, tout commence dans les rues de la ville. Des agents de la Children's Aid Society repèrent des enfants pauvres, abandonnés, mais aussi parfois simplement issus de familles débordées. Ils parlent aux parents, promettent une vie meilleure. Parfois, les parents comprennent et acceptent. Parfois, ils ne revoient jamais leur enfant. Des chercheurs montrent cette ambiguïté dans des études comme The Orphantrain Movement and its Influence on Child Welfare Policy, disponible via des bibliothèques universitaires. Ensuite, les enfants montent dans le train. Le voyage dure des heures, parfois des jours, vers le Midwest ou plus loin. Une fois arrivés, le rituel se répète presque partout. Les agents préviennent les habitants par la presse, à affiches ou depuis la chaire de l'église. Une date se fixe. Les familles se rassemblent dans une salle communale, une église, un tribunal ou directement sur le quai. Pour approfondir, on peut lire les témoignages réunis par la Cooper County Historical Society. Ce qui suit choque encore aujourd'hui. On prépare les enfants, on les coiffe, on les habille. Puis on les aligne sur une estrade. Les fermiers assis devant eux, les regardent, posent quelques questions. Certains tâtent les muscles, vérifient la dentition, comme sur un marché au bétail. Des anciens riders racontent cette humiliation dans leur récit, que le National Orphantrain Complex publie en ligne. Une fois qu'une famille choisit un enfant, elle signe un papier. Sur le papier, on parle parfois d'adoption. Dans les faits, il s'agit souvent d'un contrat de service. L'enfant doit travailler à la ferme ou à la maison jusqu'à sa majorité. Le suivi reste minimal. Les associations manquent de moyens, mais manquent aussi parfois de volonté de revenir vérifier. Des analyses comme Orphantrain Myth and Legal Reality, accessibles via des archives juridiques, montrent que la protection réelle des enfants varie énormément d'un cas à l'autre. Bien sûr, toutes les histoires ne finissent pas mal. Certains enfants trouvent une famille stable, de l'affection, un héritage. D'autres connaissent au contraire la violence, l'exploitation, la solitude. L'historienne Hélène Moore résume cette ambivalence dans un article intitulé « The Triumph and Tragedy of the Orphantrain ». Le titre dit tout, triomphe pour certains, tragédie pour beaucoup d'autres. Critiques, dérives et théories de complot. Déjà à l'époque, tout le monde n'applaudit pas. Des prêtres, des responsables locaux, des familles se plaignent. Certains parents jurent qu'ils n'ont jamais donné un vrai consentement. D'autres expliquent qu'ils ne savaient pas que leurs enfants partiraient si loin, sans possibilité de retour. La Hague Opposition to the Orphantrain liste plusieurs de ces critiques, qui montent surtout après les années 1880. Des scandales éclatent aussi dans certaines régions. En Arizona et dans d'autres zones, des enfants hispaniques ou autochtones se voient retirés à leur famille pour être placés chez des Blancs, au nom d'une civilisation à apporter. La presse parle alors de bébés vendus comme des moutons. Des archives régionales conservées par des sociétés d'histoire locale racontent ces épisodes avec des détails glaçants. Aujourd'hui, de nouveaux récits se greffent sur ces faits. Dans certains groupes en ligne, on relie les orphantrains aux grands incendies du VIe siècle et à des théories comme Tartaria. L'idée, des villes entières brûlent, la population dit s'arrête, puis des trains d'enfants arrivent pour repeupler ces zones. Des posts viraux s'appuient parfois sur des photos d'époque, sortis de tout contexte. Les historiens restent beaucoup plus prudents. Ils reconnaissent les dérives, les abus, le racisme, mais ils parlent aussi de misère extrême, d'idéologie religieuse, de besoin de main-d'œuvre. Des synthèses comme celle du Minnesota Historical Society expliquent que le système n'est dans un vide juridique total, bien plus que dans un plan global de reset démographique. La réalité n'en reste pas moins violente pour les enfants concernés. Les leçons à tirer de cette histoire. On peut regarder cette histoire sous l'angle du complot et y voir un prototype de manipulation de masse. On peut aussi y voir autre chose, un immense avertissement. Quand une petite élite morale, religieuse ou économique décide à la place de tout le monde, les plus faibles paient toujours la facture. Ici, ce sont les enfants pauvres, les familles immigrées, les minorités. Pourtant, quelque chose de positif en sort à long terme. Les orphantrains choquent assez de gens pour lancer un vrai débat sur les droits de l'enfant. Ils poussent à créer des lois, des tribunaux pour mineurs, des services de protection de l'enfance. Des travaux comme The Orphantrain Movement and Its Influence on Child Welfare Policy in Kansas montrent comment ces scandales aident à construire le concept moderne de foster care, plus encadré. Que garder de tout ça? Alors, que garder de tout ça? D'abord, la méfiance via Alexandra V des grandes solutions humanitaires qui déplacent des masses de gens, surtout des enfants, sans vrai contrôle citoyen. Ensuite, la conviction que la mémoire compte. Si des témoins, des archivistes, des historiens n'avaient pas fouillé cette histoire, on parlerait encore des orphantrains comme d'une belle aventure charitable. Les sources montrent autre chose, plus dure, mais aussi plus utile. Enfin, cette histoire rappelle une chose simple. On ne peut pas empêcher tous les abus. Par contre, on peut les documenter, les comprendre et s'en servir pour exiger mieux. C'est peut-être là la plus grande leçon des trains d'enfants. Ne jamais laisser une poignée de bien-pensants décider seuls du destin de milliers de vies, aussi bonnes soient leurs intentions affichées.